Deuxième partie. Chapitre 1. À la suspension d'audience cet après-midi-là, Maître Évène se trouva entouré de jeunes stagiaires, désireux d'obtenir son avis sur un point de droit controversé. Emporté par le mouvement de la foule, le long de la salle des pas-perdus, ils allaient, écoutant la claire et chaude parole d'Évène, échangeant des coups d'œil amusés lorsque, au passage, un regard féminin s'attachait complaisamment sur le jeune maître, dont les plaidoiries avaient toujours un très élégant auditoire, plus attiré peut-être par le charme physique de l'orateur que par l'éloquence de sa parole. Un grand garçon au teint bronzé, qui portait sa toque très en arrière sur d'épais cheveux crépus, dit à voix basse « Voilà la merveille de l'ordre en grande conversation avec son frère. C'est plutôt rare. La sympathie ne semble pas exister entre eux. » Un autre près de lui murmura « Matin, ce qu'elle est jolie !» Il regardait Ariane Daubré qui évoluait lentement près de son frère en lui parlant avec quelque animation. La robe d'avocat tombait en longs plis flottants autour de sa taille dont on devinait les lignes souples, harmonieuses, sous l'ampleur de l'étoffe. Les cheveux légers, onduleux, débordés de la toque posée avec grâce. Près de la physionomie vigoureuse et froide de Ferdinand, la vivante beauté de ce visage s'accentuait, et ses yeux, au ton de violette, semblaient plus attirants par leur sincérité fière, si on les comparait à ceux de Daubré, toujours comme voilés d'une ombre inquiétante, sous l'abri des paupières molles. Ariane avait prêté serment quelques mois auparavant, mais elle ne plaidait pas encore. Elle se contentait de recevoir quelques clientes dans le cabinet aménagé pour elle chez son père. On la voyait souvent au palais où elle venait entendre les avocats en renom et solliciter les conseils des maîtres du barreau, très empressés à lui faire part de leur lumière. Son entrée dans une salle d'audience avait pour résultat de détourner du débat, même le plus passionnant, l'attention de ses confrères masculins. Elle ne paraissait rester insensible à cette admiration qu'elle maintenait à distance. Nul ne pouvait se vanter d'avoir reçu permission de faire la cour à Ariane Daubré, et les audacieux qui s'y risquaient savaient quel ironique dédain accueillait leurs avances. À la reprise d'audience, Raymond, après un rapide colloque avec le bâtonnier, se dirigea vers le grand escalier de la galerie carrée dans l'intention de gagner la troisième chambre du tribunal. Depuis un moment, la salle des pas-perdus s'était vidée peu à peu. De nouveau, les salles d'audience se remplissaient et, sous les vieilles boutes, recommençaient de s'élever, ternes ou éloquentes, les voix des défenseurs. Comme Raymond atteignait les derniers degrés, il vit, appuyé au balustre de marbre du balcon, Ariane qui regardait l'immense hall presque désert au-dessous d'elle. Elle l'aperçut et sourit en lui tendant la main. « Vous allez plaider ?»« Non, je vais entendre Hardy. J'aime son éloquence ferme et je suis curieux de voir comment il va se tirer de cette affaire assez épineuse. » J'y allais aussi. J'ai suivi tout ce procès avec beaucoup d'intérêt. À quand votre première plaidoirie ? Elle eut un de ces sourires légers et charmants qui éclairaient son visage comme un vif rayon de lumière. Je n'y songe pas encore. Tenez, je vais vous avouer que j'ai un peu peur. Peur ? Vous, si intrépide ? Il la regardait en souriant et remarquait une fois de plus l'épanouissement de cette beauté dont il avait eu la surprise au Grand Sapin 3 ans auparavant. Depuis ce moment, il avait peu vu Ariane jusqu'à son entrée dans l'ordre. Ses parents et lui n'entretenaient avec Paul, devenu Madame Ferdinand Daubré, que des relations assez rares. Le président et sa fille faisaient chaque année, en janvier, une visite à Madame Évène, et tout se bornait là à peu près. De temps à autre, Raymond apercevait Mlle Daubré dans le monde, ou bien à une audience au palais, quand il devait plaider sur tout. Ils échangeaient quelques mots, se regardaient avec sympathie, mais ils avaient conscience l'un et l'autre que l'ombre gênante de Ferdinand se trouvait entre eux. Depuis qu'Ariane était inscrite au barreau, Raymond se rencontrait beaucoup plus fréquemment avec elle, mais en général, dans leurs causeries, d'ailleurs toujours brèves, ils traitaient surtout de questions professionnelles. Jamais ils n'avaient rappelé leur séjour au Grand Sapin, jamais non plus ils ne parlaient de Paul. Raymond s'intéressait fortement à cette personnalité attachante, si peu banale, dont un coin de l'âme lui avait été dévoilé naguère. Âme loyale, fière, incapable de se plaire aux jouissances basses, mais âme ardente qu'une passion pourrait conquérir et jeter hors des voies droites, car les principes directeurs n'existaient pas pour elle. Quand cette pensée venait à Raymond, il sentait en lui une pitié profonde pour cette jeunesse encore pure, qui, sans doute, en dépit de ses assurances de scepticisme, conservait quelques illusions et, sensible, vibrante, souffrirait tant si, un jour, la vie les flétrissait. Vers quoi, vers qui se retournerait-elle alors, elle qui n'avait pas à compter sur l'affection familiale? Ce sentiment d'intérêt compatissant devenait plus vif depuis quelque temps. Raymond se rendait mieux compte des dangers qui la guettaient en la voyant plus souvent, en entendant les échos des admirations masculines. Elle avait ce charme qui subjugue, qui attire, qui retient. Elle était faite pour inspirer le plus profond attachement. Un jour ou l'autre, la passion parlerait en elle, répondrait à l'amour qui la solliciterait. Si cette passion était coupable, quelle digue aurait-elle à lui opposer? Ou bien, si la déception éteignait son cœur fier, en quelle révolte ou en quel désespoir sombrerait-il? Ariane s'appuyait au balustre de marbre en tournant le dos au hall, presque vide maintenant. Une de ses mains retenait la serviette en maroquin, l'autre pendait, fine et blanche, le long de l'étamine noire. À la réflexion de Raymond, la jeune fille se mit à rire. « Trop intrépide parfois, à votre gré? Je me doute que vous n'appréciez guère les femmes qui se lancent à l'assaut des professions masculines. À mon avis, pour certaines professions surtout, elles doivent être l'exception et ne s'y décider que poussées par une vocation réelle. Pourquoi? Tout d'abord parce que, dans nos carrières encombrées, elles seront, à moins de facultés au-dessus de la moyenne, plus démunies encore que l'homme devant la concurrence. Quelques-unes perceront, les autres mourront de faim avec leur diplôme. Dès lors, à quoi bon leur imposer des études longues, coûteuses, difficiles, et qui, par leur nature même, par le milieu masculin très mêlé où elles les feront évoluer, risquent de leur enlever quelque chose de leur charme, de leur délicatesse d'âme? Ariane eut un mouvement léger qui fit ployer son buste, sous l'ampleur de la robe, contre la balustrade. « Alors, vous me blâmez d'avoir choisi cette voie? Ne prenez pas cela pour vous. Votre intelligence vous met au-dessus du niveau ordinaire. Vous avez atteint brillamment et sans effort l'entrée de cette carrière où des chances de réussite s'offrent à vous. En outre, vous avez su rester très féminine. Voilà qui est suffisant, me semble-t-il, pour légitimer le choix que vous avez fait. » Ariane secoua la tête. En réalité, ce ne fut pas un choix. Mes préférences allaient vers une carrière artistique, prétendant que j'y aurais un avantage pécuniaire. Je n'en suis pas persuadée. Cependant, j'ai besoin de gagner ma vie, maintenant surtout. Car j'ai appris dernièrement que notre fortune, d'ailleurs peu considérable, s'était en partie évaporée par suite de placements défectueux. Mon père aura sa retraite, il pourra jusqu'à la fin mener une vie large selon ses goûts, mais moi, je dois travailler pour conserver mon indépendance et pour vivre. Ainsi donc, vous avez devant vous un confrère très sérieux, maître Even. » Elle sourit, mais ses yeux restèrent graves, résolus. « Eh bien, mademoiselle, je vous souhaite en ce cas de réussir très vite. » J'ai la plus profonde estime pour les jeunes filles courageuses qui considèrent bravement la vie et travaillent à acquérir leur indépendance au lieu de compter uniquement sur les revenus des parents ou le mariage riche. Très problématique toujours quand la grosse dot manque. Du reste, me marier pour de l'argent? Ah, cela, non! Elle s'interrompit en se détournant pour jeter un coup d'œil sur l'immense vaisseau qui s'allongeait en deux travées au-dessous d'elle. Raymond vit se rapprocher les beaux sourcils d'un brun plus foncé que les cheveux. Ferdinand Daubré, sortant de la première chambre, se dirigeait vers la correctionnelle. Son allure ferme et lente, la vigueur de sa large carrure, l'impassibilité de ses traits durement burinés, donnaient l'impression d'une force concentrée, un peu brutale. Ariane, s'écartant de la balustrade, se retourna vers Raymond. « Savez-vous que mon père vient de louer un appartement dans l'immeuble dont vous occupez le pavillon ?»« Oui, le concierge l'a appris ce matin à ma mère. Nous serons très heureux de ce voisinage. » Elle secoua la tête. Un peu d'ironie flottait dans son regard, se devinait au coin de ses lèvres. « Vous me le dites par politesse, mais je crains que... Pour moi, vous avez peut-être quelque sympathie, mais vous n'aimez pas mon père, dont les opinions sont si contraires aux vôtres. Et surtout, il y a Ferdinand. » Elle se rapprocha de Raymond et posa sa main sur la longue manche flottante. « Je ne vous ai jamais parlé de cela, mais je veux, une fois pour toutes, vous dire mon sentiment au sujet de ce qui s'est passé. Ensuite, nous ferons le silence, comme auparavant. Sachez donc que j'ai essayé de détourner mon frère d'épouser Paul. Tel que je le connais, il ne pouvait que faire son malheur. En outre, je trouvais indigne qu'il profitât de la faiblesse, de l'inconstance de Paul pour vous l'enlever. » À elle-même, j'ai dit franchement ma pensée. Mais elle était enjôlée, dominée par mon frère. Il est si habile, il sait si bien convaincre les femmes, certaines natures de femmes du moins. Sa belle-mère le portait au nu dans les premiers temps. Je crois que maintenant, elle doit être suffisamment édifiée sur lui. Quant à Paul, pauvre Paul, malgré tout. Elle s'interrompit pendant quelques secondes, puis ajouta, en attachant sur Raymond ce regard dont il aimait la ferme loyauté, « Nous n'avons jamais eu beaucoup de sympathie l'un pour l'autre, Ferdinand et moi. Nos natures se repoussent, il n'existe entre nous aucun point de contact. Depuis son mariage, je le vois très peu en dehors d'ici. Il vient rarement chez nous, je vais le moins possible chez lui. Paul est devenu trop mondaine pour moi. » En outre, elle m'en a voulu de ce que je lui ai dit au moment de ses fiançailles, et elle m'en veut maintenant, parce qu'elle constate que j'avais raison, qu'elle a commis la pire folie, poussée par sa mère d'ailleurs. Je dois vous avouer aussi que je la méprise un peu depuis qu'elle vous a repris sa parole. » Raymond dit brièvement, « Elle a bien fait, puisqu'elle ne m'aimait pas. » Ariane eut un léger mouvement d'épaule en murmurant, « Elle ne vous aimait pas ?» Son regard glissa sur le visage où la souffrance passée, l'étude, la réflexion, la conscience d'une valeur reconnue de tous avaient imprimé tant de noblesse et de mal d'énergie, où les yeux, reflets d'une âme ardente et forte, attiraient comme deux foyers de lumière. Elle a cédé comme une enfant à l'influence de sa mère, à celle de Ferdinand, voilà tout. Ils l'ont persuadée qu'elle n'avait pour vous qu'une affection de sœur. Faible et passablement vaniteuse, elle a en outre trouvé agréable la cour que lui faisait un homme arrivé, tel que Ferdinand, les flatteries qui ne lui ménageaient pas. Bref, à mon avis, ce mariage fut un peu une affaire de suggestion menée par Madame Berthe et par mon frère, la nature sans énergie de Paul s'y prétend naturellement. Mais laissons là ce sujet, puisque ce n'est plus que du passé, que des feuilles mortes. Je voulais seulement vous faire comprendre que je n'ai jamais approuvé tout cela, que mon estime est restée acquise à vous seul. Je vous connais assez, mademoiselle, pour n'avoir jamais douté de votre sentiment. Mais vous êtes infiniment bonne et délicate de vouloir m'en assurer. » Il considérait avec émotion cet expressif visage qui, mieux encore que les paroles, lui disait toute la sympathie d'Ariane et qui était si sincère, si vivant, si délicieux. « Je veux aussi vous assurer que ce n'est pas ma faute si mon père a loué cet appartement. Il ne m'a pas consulté. Je vous en prie, n'allez pas vous imaginer que nous soyons mécontents de vous avoir pour voisin. Ma mère sera, au contraire, fort heureuse de vous voir plus souvent. » Pourquoi disait-il cela? Madame Even n'avait jamais témoigné le désir de rencontrer plus fréquemment Mademoiselle Daubré, mais il ne regretta pas les paroles qui venaient de lui échapper. Sa mère ne cachait point que, pour le peu qu'elle connût Ariane, celle-ci l'intéressait beaucoup. Raymond était donc certain qu'elle ne refuserait pas de recevoir parfois cette jeune fille à qui elle pouvait faire tant de bien. Ariane dit à mi-voix, pensivement, « Ah, votre mère, votre mère! Je voudrais mieux la connaître pour mieux l'admirer. » Elle s'écarta en rajustant d'un geste vif sa toque un peu déplacée. « Allons maintenant entendre Maître Hardy. Je suppose que sa plaidoirie a dû s'avancer pendant que je vous retenais là. Nous tâcherons de l'avoir tout entière un autre jour. Je suis très heureux que vous m'ayez parlé avec cette franchise. » « Vraiment, je n'osais trop. Je craignais de vous être désagréable en ramenant votre souvenir là-dessus. » Non, car ce sont bien des feuilles mortes, comme vous le disiez tout à l'heure, et vos doigts si légers, vos doigts de femme délicate, peuvent y toucher quelquefois sans les froisser. » Il s'interrompit et ajouta, après un court silence, « Je vous ai toujours mis à part, je n'ai jamais cessé, quelle que soit mon opinion sur votre frère, de vous accorder ma sympathie et mon estime, parce que je vous crois sincère, même dans vos erreurs. » En un de ces gestes spontanés, qui avaient chez elle tant de charme, Ariane lui tendit la main. « Quel plaisir vous me faites !» Ses yeux avaient un éclat joyeux qui surprit, émut Raymond. Il serra longuement la main tiède à l'épiderme si doux qu'on croyait toucher un pétale de fleurs. Tous deux gagnèrent la troisième chambre. Maître Hardy, un petit homme grisonnant, dont la voix nette avait des résonances de métal, exhumait en ce moment des textes de loi. Pendant quelques instants, Raymond essaya de suivre ses déductions. Puis son esprit s'évada, très loin, vers ce passé qu'Ariane venait de rappeler. Son cœur ne souffrait plus. Après avoir énergiquement refoulé cet amour qu'il n'avait pas le droit de conserver, il s'était aperçu un jour que le souvenir de Paul, que sa vue même, n'agitait plus en lui de fibres douloureuses. Il avait aimé en elle le rêve très pur de sa jeunesse, il l'avait parée de l'idéalisme qui existait en lui-même. Une brusque désillusion lui avait révélé la faiblesse vaniteuse de cette âme, la fragilité de ses convictions religieuses, de ses principes moraux. La Paul aimée de lui n'avait été qu'un fantôme, une image enfantée par son imagination. Il avait souffert, comme tous ceux qui voient s'effondrer leurs rêves, mais il était de ces âmes ardentes et droites qui savent se donner tout entière, sans retour, en exigeant d'autrui le même abandon sincère et qui veulent estimer ce qu'elles aiment. Paul, acceptant de devenir la femme de Daubré, athée viveur avéré, Paul cédant à un attrait vulgaire et se laissant prendre au mirage d'ambition projeté devant elle par sa mère, c'était la chute de l'illusion et la fin de l'amour chez un homme tel que Raymond. Cependant, chaque fois qu'il la revoyait ou qu'on lui parlait d'elle, une impression pénible demeurait en lui pendant quelques instants. Elle lui rappelait tout son jeune amour et une grande souffrance. Il n'aimait plus, mais il ne pouvait oublier le passé, ce qui avait été, ce qu'il avait espéré quand il croyait à l'attachement de Paul, à la fermeté de ses principes, à la claire beauté de son âme.